Chapitre 10e. En débouchant dans le village, Edme et Clément avaient consulté un passant sur le plus court chemin pour se rendre au château de Chèvrechêne. « Ma fille, répondit celui-ci d'un ton narquois, en examinant du coin de l'œil les deux frères, si c'est le château que vous voulez voir, il faudra pousser un peu loin, car il y a belle lurette qu'il a été transporté pierre par pierre, à tille en bois, pour restaurer celui du comte de Récourt. Il ne reste plus ici de l'ancien Chèvrechêne qu'une petite fonderie et une mauvaise bâtisse, où le père Hennequin loge avec sa sœur Pousse-Nuée. Mais, ajouta-t-il, sournoisement curieux, c'est peut-être bien chez eux que vous allez en visite. Précisément, déclara Clément avec impatience, c'est aux fondeurs que nous avons affaire. C'est différent. En ce cas, suivez tout uniment le coulant d'eau jusqu'au bout du village et entrez dans la dernière cour à main gauche. C'est là que le père Hennequin a ses ateliers et son logement. Docilement, ils longèrent le coulant d'eau qui arrose une partie du Chanois. Et arrivés à l'extrémité du pays, s'arrêtèrent devant un bâtiment fort délabré, dernier vestige du château du conventionnel. Comme les en avait prévenu Jean de la Louvière, la tante Charmette aurait eu grand-peine à reconnaître dans cette ruine le Chèvrechêne de jadis. Sur l'emplacement de l'ancienne demeure des Courouvres, une cour herbeuse s'étendait, séparée du ruisseau par un mur à hauteur d'appui et reliée à la rue par un pont à dos d'âne. À droite, en retour d'équerre, des appentis en torchis surmontés d'une haute cheminée servaient d'atelier aux fondeurs et venaient s'appuyer à un bâtiment carré au mur de pierre noircie et à la toiture de tuiles moussues qui semblait avoir été l'un des pavillons d'aile et où logeaient les Hennequins. Au moment où les deux frères, un peu décontenancés, pénétraient dans la cour en suivant un sentier semé de crasses de fonte et de mâche-fer qui conduisait aux ateliers, ils aperçurent le fondeur assis sur un banc en train de fumer sa pipe. Jérémy Hennequin était un quinquagénaire osseux et d'aspect assez rébarbatif. Vêtu d'un pantalon de velours verdâtre et d'un tricot de laine brune, coiffé d'une casquette de cuir, il avait les épaules voûtées, le visage tanné et comme recuit par les flammes de son four. Sa bouche aux lèvres rentrées, sa barbe poivre et sel fort négligée, ses petits yeux noirs enfouis sous l'orbite et ombragés par des sourcils broussailleux, lui donnaient cette physionomie méfiante et triste que les gens de chez nous appellent un air chabrin. Dès qu'il eut aperçu les deux jeunes gens, il se leva, marcha lentement vers eux et entre deux bouffées murmura d'une voix sourde « Bonjour, qu'y a-t-il pour votre service ?»« C'est vous, monsieur Hennequin ?» demanda Edme. « C'est moi. Nous sommes chargés par notre cousin, monsieur de la Louvière, de nous entendre avec vous pour une commande de moule à bouteille. Voici de reste une lettre qui vous expliquera l'objet de notre visite. » Au nom du maître verrier, les traits renfrognés de Jérémy Hennequin se détendirent à demi. Il souleva sa casquette de cuir, enleva sa pipe et ouvrit la lettre que lui présentait l'aîné des Courouvres. Il la lut attentivement, en remuant les lèvres, et en articulant tout bas chaque mot comme pour mieux saisir le sens, puis, la repliant et la mettant en poche, il reprit. « Monsieur de la Louvière m'écrit qu'il lui faudrait une cinquantaine de moules pour la fin du mois. Vous pouvez lui dire que dès demain on rallumera le four et que la livraison aura lieu à la date fixée, et que ce sera de la besogne bien faite. Mais vous n'allez pas repartir comme ça. Vous accepterez bien un verre de vin. » Les deux frères, au courant des habitudes hospitalières de la campagne, savaient qu'un refus froisserait le maître du logis. D'ailleurs, ils étaient trop désireux de le faire causer pour décliner l'invitation, et ils répondirent affirmativement. Alors Hennequin tira une clé de la poche de son gilet. « Excusez, balbutia-t-il, je suis à vous. » Il se dirigea vers un cellier situé en contrebas et reparut peu après avec deux bouteilles dans un panier. « Nous allons boire un coup là-haut, poursuivit-il, nous y serons plus au frais. Je vais vous montrer le chemin. » Il gravit quelques marches et introduisit ses hôtes dans une spacieuse pièce voûtée qui semblait servir à la fois de cuisine et de chambre à coucher. Cette salle, éclairée par une seule fenêtre, ouvrant sur la cour et à demi voilée à l'extérieur par les pampres d'un cep de vigne, était plongée dans une demi-obscurité. Edme et Clément, éblouis par le grand soleil du dehors, n'y distinguèrent d'abord que d'une façon confuse la disposition et l'ameublement. Au fond, en face d'un lit à poules de calicot rouge, une haute cheminée où se consumait un feu de souche, et devant l'âtre un large fauteuil de cuir occupé par une forme féminine au contour imprécis. Entre la fenêtre et la cheminée, une longue horloge de bois peint. Au milieu, une oblongue et massive table de hêtre, dont les pieds, rejoints par de solides traverses, reposaient sur le carrelage de briques. Le fondeur alla quérir dans le vaisselier trois verres qu'il aligna sur la table dressoir, puis il déboucha une bouteille, remplit minutieusement les godets et avançant des sièges. « Asseyez-vous, dit-il aux deux frères, à vos santé !» Il trempa ses lèvres dans son verre et reprit. « Alors vous êtes parent de monsieur de la Louvière ?»« Oui, » répondit Edme, « cousin Germain. Sa mère était la sœur d'une personne que vous avez peut-être connue dans le temps et qui était notre tante, mademoiselle Charmette Courouvre. »« Mademoiselle Charmette ?» répliqua Hennequin. « Oui, je l'ai connue quand j'allais encore aux écoles. Une brave fille, ayant la main un peu vive. Elle m'a donné plus d'une calotte. Est-ce qu'elle est toujours de ce monde ?»« Non, » soupira Clément. « Elle vient de mourir, à 80 ans. » « Un grand âge, Dieu lui fasse paix. Et c'était votre propre tante. Pour lors, vous seriez les descendants du vieux Courouvre. Oui, nous sommes les petits-fils du conventionnel Courouvre. » À ce moment, les roulettes du fauteuil grinchèrent sur le carrelage et les deux frères et Bobby aperçurent dans la pénombre la maigre et longue silhouette d'une vieille femme vêtue de noir, coiffée du bonnet lorrain tuyauté d'où s'échappaient des frisons de cheveux blancs. Elle se dressait, rigide, devant la cheminée, dont sa tête dépassait le manteau haut placé. Les jeunes gens devinèrent que cette créature géante était cette tante du fondeur dont on leur avait parlé, et ils comprirent pourquoi on la baptisait du nom de Pousse-Nuée. Sa tête, touchant presque à la voûte, semblait vouloir menacer les nuages. Cette taille démesurée avait dû frapper les paysans, naturellement enclins, à inventer d'ingénieux sobriquets, pour désigner pittoresquement les gens de leur entourage. L'étrange vieille femme promenait ses regards ternes à travers la pièce et balbutiait. Courouvre, Edme Courouvre, oui, il est mort, mon officier. Puis sa voix chevrota un lambeau de chansons populaires. Son corps est dans la terre, son âme en paradis. La figure de Jérémy Hennequin s'était de nouveau rembrunie. Il fronçait les sourcils et ronchonnait. Faites pas attention, c'est ma vieille tante. Elle n'a plus sa tête depuis 1870, à la suite d'une peur que lui ont faite des soldats prussiens qui logeaient chez nous. Il alla vers la vieille Pousse-Nuée. Doudou, la tante, murmura-t-il. « Accroisez-vous. » En même temps, il la forçait à se rasseoir. Mais tout en se rencognant dans son fauteuil, la vieille persistait à chantonner d'une voix grêle. « Bel officier revenant de la guerre, rampe à ta plan. Revenant de la guerre, j'ai 3 vaisseaux. Depuis la mer jolie, rampe à ta plan. Dessus la mer jolie, l'un chargé d'or, l'autre d'argenterie. Rampe à ta plan, l'autre d'argenterie. » Peu à peu, la voix s'affaiblissait. Les paroles devenaient moins distinctes, et se changeait en un ronronnement dont la chanteuse paraissait bercer sa somnolence. D'ordinaire, maugréa le fondeur, elle se tient tranquille et dort quasiment toute la journée. Mais il y a 4-5 jours, un failli marchand de biens est venu chez nous raconter devant elle un tas de dévés au sujet d'un trésor caché à Chèvrechaîne. Ces balançoires-là ont troublé le cerveau de la pauvre créature, et depuis la visite de cet imbécile de Goupillard, elle recommence à divaguer. Nous connaissons ce Goupillard, répliqua Edmé. « Est-ce que vraiment, dans le pays, on croit à l'existence d'une cachette à Chèvrechaîne ?» Jérémy Hennequin s'était tout à fait rembruni et avait repris sa mine méfiante. Il haussa les épaules et répondit comme un contre-cœur. « Un tas de menteries. De ces sottises-là, il vaut mieux ne point parler. » Puis s'efforçant de changer la conversation. « Et alors, » demanda-t-il, « vous comptez retourner ce soir à la verrerie ?»« Pas tout de suite, » repartit Clément. « Puisque nous sommes aux Chanois, nous voudrions auparavant voir l'ancien domaine de notre grand-père. D'après ce que nous disait notre tante Charmette, elle possédait encore ici une friche à Lavignier. Lavignier ? C'est possible. Une mortère où il ne pousse que des chardons. Pouvons-nous la visiter ? Dame, puisqu'elle est à vous. Je vais vous montrer le chemin. Excusez-moi de ne pas vous accompagner. Faut que je m'occupe de la commande de votre cousin, et je n'ai pas de temps à perdre. » Ils redescendirent dans la cour et, laconiquement, Jérémy Hennequin prit congé d'eux après leur avoir donné de brèves indications. « Vous n'avez qu'à monter à travers notre mai, notre jardin. Après ça, vous verrez un ancien verger, et la vignée est au-dessus. Bon voyage, messieurs. Mandez à monsieur de la Louvière qu'il peut compter sur ses moules avant la fin du mois. » Restés seuls, Edme et Clément pénétrèrent dans l'ancien clos de Chèvrechaîne, transformé en un prosaïque jardin de paysans. Au parterre, en terrasse, avaient succédé des carrés de choux, de haricots et de navets, s'élevant en pente jusqu'à la ceinture du verger. Le petit bois, parallèle au jardin et servant de parc, avait été rasé, défriché depuis longtemps et planté en luzerne. Sur les bas-côtés seulement quelques arbustes d'agrément, citise, sumac, altéa, rossi grimpant, avaient survécu, mêlant à la plèbe des troènes et des touffes d'ortie, leur feuillage de luxe et leur floraison patricienne. Ces vestiges du décor d'autrefois, noyés en pleine sauvagerie, avaient un aspect mélancolique en harmonie avec le sentiment de malaise que les deux frères rapportaient de leur visite au logis du fondeur. « Ce Jérémy Hennequin, » dit Edme, a une mine défiante et sournoise qui ne me revient pas. Et sa tante Pousse-Nez est une étrange créature. Qu'en penses-tu, cadet ?»« Moi, répondit Clément, je les trouve pittoresques et dignes du cadre où ils sont placés. Ils ont l'air de personnages d'un roman de Walter Scott, et ce n'est pas pour me déplaire. Mais attention, voici le verger planté de cerisiers, et nous approchons de la friche de la vignée. » Les cerisiers étaient morts de vieillesse pour la plupart. On les avait néanmoins laissés sur pied. Pas un ne manquait, et cela démontrait l'exactitude des points de repère notés par Charmette. Clément compta 4 arbres sur la 3e rangée de droite. Arrivé au dernier, il put constater que des rejets vigoureux avaient poussé à la base du tronc desséché et que c'était bien le bigarrotier indiqué sur le plan. Un fossé séparait le verger de la friche qui montait au-dessus, onduleuse, grisâtre, au sol sablonneux couvert d'une herbe courte. Quelques saules rabougris poussaient ça et là. « Nous y sommes !» poursuivit le cadet. En même temps, il partait du bigarrotier et mesurait rapidement la distance de 2 toises en ligne droite. « 2 toises, c'est-à-dire 3 mètres 90 centimètres, murmurait-il en arpentant le terrain. Brusquement, il s'interrompit et s'agenouilla près de quelques touffes de plantes grêles, écailleuses, terminées par quelques fleurs d'un jaune d'or. « Qu'y a-t-il ? » demanda Aide. « Mon bon, s'écria Clément, voici le gnaphal doré, et il pousse exactement à la place notée par la tante Charmette. » Edme s'était à son tour agenouillé et vérifié lui-même le fait. Les petites plantes croissaient au nombre d'une dizaine sur un sol sablonneux, bossé et comme feutré d'un gazon court et touffu. « Et tu es sûr, interrogea l'aîné, que cette plante est bien le gnaphalium auratum ?»« Absolument sûr, répliqua Clément, en détachant l'une des tiges et en la fixant à sa boutonnière. « Et remarque, je te prie, la disposition du terrain. La végétation vivace qui le tapisse prouve qu'il est resté intact depuis de longues années. Maintenant, il n'y a plus de doute. La cachette n'a pas été fouillée et le trésor repose encore là, à 3 pieds de profondeur. » Edme, ébranlé, commençait cette fois à partager sérieusement la conviction de son frère. Il demeurait pensif, examinant la nature du sol et les tiges espacées du gnaphal indicateur. « Ne perdons pas notre temps en vaine contemplation, » reprit le cadet. Retournons à la pomme d'or et télégraphions immédiatement. » 3 quarts d'heure après, ils entraient au bureau de poste de Souilly et envoyaient M. de la Louvière le télégramme laconique contenant ce seul mot « Venez ».